Every day she takes a morning bath, she wets her head, wraps a towel around her as she's heading for her bedroom chair. It's just another day, slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. Oh, it's just another day. Doing what I'm doing. They give me all kinds of warnings, save me from ruin. When I say that I'm okay, well they look at me kind of strange. Surely you're not happy now, you no longer play the game. Ah, people say I'm lazy, dreaming my life away. Well, they give me all kinds of advice, designed to enlighten me. Shadows on the wall. Oh, don't you miss the big time, boy. You're no longer on the ball. I'm just sitting here making the wheels go round and round, and rock the Boston road. No longer riding on the merry-go-round. I just have to let it go. Lost in confusion. Well, tell them there's no problem, only solution. Well, shake their heads and look at me as if I've lost my mind. I tell them there's no hurry, I'm just sitting here doing time. I'm just sitting here watching the wheels spin round and round. I really love to watch them roll. No longer riding on the merry-go-round. I just have to let it go. Un petit clin d'œil, un petit hommage à John Lennon, disparu trop tôt, le 8 décembre 1980, à cause d'un imbécile qui lui a tiré dessus. Bref, John Lennon qui n'a pas toujours été tendre, même avec son complice Paul McCartney, puisque en 1971, lorsque Paul McCartney sort Another Day, un petit peu plus tard sur l'album Imagine, John Lennon sort la chanson How Do You Sleep, et dans les paroles il dit The only thing you've done was yesterday, and since you've gone you've just another day. Alors c'est pour le faire la rime, d'accord, mais il dit la seule chose que tu as faite c'est yesterday, et depuis t'es rien qu'un autre jour. Enfin c'est, alors, en français ça donne moins, faudrait trouver les bonnes traductions, mais il a mis toutes ces vacheries possibles dans cette chanson là et on lui en veut pas, parce que c'était un gars bien quand même, le père John Lennon. Il avait une manière de critiquer son propre travail, celui des Beatles, c'était impressionnant. Pour lui, la plupart de ce qu'ont fait les Beatles, c'était nul, alors que c'est pas vrai du tout. Mais voilà, peut-être par manque d'assurance, il avait l'impression que c'était pas si bon que ça. Et puis la suite de la saga, ben c'est maintenant, c'est George Harrison, et une chanson qui aurait pu figurer sur le triple album All Things Must Pass de 1970, et que l'on ne verra apparaître qu'en l'an 2000, lors du remaster de cet album-là. Voici I Live For You sur RG. sadness from all that is grown. In this darkness I wait for the day. Ex-Beatles, il en manque un, Ringo Starr, le voici, en 1992, sur l'album Time Takes Time, le temps, ça prend du temps. Et j'en sais quelque chose. Voici What Goes Around, la chanson la plus Beatles de cet album-là, je trouve. When you hear that sound,

know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. Thierry Gallet, animateur radio, un homme et les Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Imagine I'm in love with you. It's easy cause I know. I've imagined I'm in love with you. Many, many, many times before. It's not like me to pretend, but I'll get you in the end. Yes, I will, I'll get you in the end. Oh yeah, oh yeah. I think about you night and day. I need you and it's true. When I think about you, I can say I'm never, never, never, never blue. So I'm telling you, my friend, that I'll get you in the end. Yes, I will, I'll get you in the end. Oh yeah, oh yeah. Well, there's gonna be a time when I'm gonna change your mind. So you might as well resign yourself to me. Oh yeah. Imagine I'm in love with you. It's easy cause I know. I've imagined I'm in love with you. Many, many, many times before. It's not like me to pretend, but I'll get you in the end. Yes, I will, I'll get you in the end. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Les Beatles en 1963, je n'ai fait que retourner le 45 tours puisque She Loves You est sorti en single et I'll Get You était la face B de ce 45 tours auparavant. Il y a eu Little Child, je l'ai expliqué sur What Goes Around, sorti de l'album With the Beatles qui est l'album de la semaine de la saga des Fab Four. Si l'on revenait à George Harrison, si vous le voulez bien, une chanson qui aurait pu figurer sur l'album de 1981, l'album Somewhere in England, mais qui a été repoussé et qui n'est sorti que en 1987 en face B de Got My Mind Set on You. Et c'est pourtant une excellente chanson. Oui, oui, la liaison était bonne. Une excellente chanson, puisque c'est Lay His Head sur RIG. Shoulder to lean his head. should decide to go away. Don't run after motor cars. Please stay on the side. Someone's glossy motor car might take you for a ride. And I need love, yeah, I need love, like a castle needs a tower, like a garden needs a flower. Yeah, I need love, said I need love, like a raindrop needs a shower, like a second needs an hour, every minute of the day. And it wouldn't be the same if you ever should decide to go away. Don't go jumping waterfalls. Paul McCartney en 1980 sur l'album McCartney 2, je traduis de l'anglais sur le bouquin Paul McCartney Recording Sessions, qui est vraiment vraiment très très bien. Vivement une copie en français, je la rachèterai, ce sera plus facile pour moi. La chanson s'appelait originellement I Need Love et c'était la seule chanson qui était enregistrée par Paul avant les sessions de McCartney 2. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette chanson? Eh bien, Paul a révélé que Waterfalls était sa chanson favorite de l'album et qu'il considérait qu'elle était la plus représentative de McCartney 2. Waterfalls est une porte ouverte dans le monde intérieur de Paul. Une balade simple avec une atmosphère liquide d'un monde rêvé et éthéré, mais aussi une admission d'une faiblesse, et une admission avec émotion de faiblesse. La chanson, avec sa mélodie évocative, est l'exemple même de la simplicité et de l'intimité. Les paroles sont une invitation par Paul à rester sain et sauf, quoi, en mettant le risque de côté. L'amour, c'est une sorte de couche protectrice de tous les ennuis qu'on peut avoir dans la vie. McCartney a dit aussi la chanson Waterfalls et dit basiquement ne fais pas des trucs dangereux parce que j'ai besoin de toi. Ce sont des pensées plus matures. Je n'aurais pas été capable d'écrire cette chanson 20 ans avant. Si vous faites attention, 20 ans avant, c'est pile poil au moment des Beatles. Les Beatles qu'on retrouve en 1963 avec ce nouveau titre, le premier titre depuis les Beatles au niveau mondial, le premier titre écrit par George Harrison tout seul, Don't Bother Me sur RG. So go away, leave me alone, don't bother me. I can't believe that she would leave me on my own. It's just not right when every night I'm all alone. I've got no time for you right now, don't bother me. I know I'll never be the same if I don't get. Till she's here, please don't come near, just stay away. I'll let you know when she's come home until that day. Don't come around, leave me alone, don't bother me. got no time for you right now. Don't bother me. I know I'll never be the same if I don't get her back again. Because I know she'll always be the only girl for me. But till she's here, please don't come near, just stay away. I'll let you know when she's come home until that day. Don't come around, leave me alone, don't bother me. Don't bother me. Don't bother me. Don't bother me. Don't bother me. Maintenant, on dirait me fais pas chier. Mais là, à l'époque, c'était ne m'ennuie pas, bien entendu. Don't Bother Me fut la première composition de George Harrison à être enregistrée par les Beatles, je l'ai dit tout à l'heure. Et le premier titre dont il ait jamais écrit les paroles. Il l'a composé en août 63, alors qu'il était descendu au Palace Court Hotel de Bournemouth. Les Beatles devaient jouer 6 soirs au Gaumont Cinéma de cette ville située en bord de mer. Et c'est durant cette semaine que le photographe Robert Freeman vint les rejoindre pour réaliser le portrait qui orne la pochette de With the Beatles. J'ai composé Don't Bother Me simplement pour savoir si j'étais capable d'écrire une chanson, raconte à George. J'étais malade, cloué au lit. C'est peut-être de là qu'est venu le titre. Laissez-moi tranquille, dit celui qui a écrit le livre. Bill Harry, le fondateur du magazine musical liverpoolien Mercy Beat, prétend que le titre a une autre origine. Il semble que Bill Harry avait l'habitude de harceler George à chaque fois qu'il le rencontrait en lui demandant s'il avait écrit quelque chose depuis sa première composition, Cry for a Shadow, de l'album de Tony Sheridan en 62. Un soir que George allait sortir, il avait pensé qu'il risquait de me rencontrer, écrivit Bill Harry. Alors il a composé une chanson qui s'appelait Don't Bother Me. C'est bien ça de s'attribuer un titre sans être certain, sans avoir demandé à celui qui a créé s'il s'agit de lui ou pas, si George dit qu'il a composé comme ça. Je suis tenté de le croire, même si quelquefois on dit pas toujours la vérité. This is love en tout cas. C'est en 1987 sur l'album Cloud 9. George Harrison encore sur RIG. Drift away from the meaning, and the sun melts the chill from our lives, helping us all to remember what we came here for.

for so long. What else can they do? Can you imagine all those girls are strolling? All those boys are holding. They're doing their best to make it through another LA night in a picture show life. Ringo Starr en 1983 sur l'album Old Wave avec cette superbe chanson Picture Show Life. Nous allons revenir en arrière de 20 ans. Nous passons de 1983 à 1963, donc il y a bien longtemps puisqu'on est en 2014 et en direct, je vous assure, avec cette chanson qui sera reprise en français, je crois, par Claude François. Et lorsqu'elle sera reprise en français, ça donnera un truc du genre « Je veux tenir ta main, je veux tenir ta main ». C'est mieux en anglais. « I wanna hold your hand », les Beatles sur RIG. voulait pas aller aux États-Unis tant qu'il n'aurait pas un numéro 1. Et comme le dit si bien José Maria sur Facebook, il dit « I want to hold your hand, number 1 aux USA » pendant que les Beatles étaient à Paris. Pas mal, oui, parce que fort d'un numéro 1, eh bien, ils ne se sont pas fait oublier. Quand ils sont arrivés aux États-Unis d'ailleurs, ça a été la Beatlemania d'enfer. Et ils ont eu bien raison d'attendre, plutôt que de faire comme ils disaient, d'être propulsés aux États-Unis avec pas de grands titres très très forts, et puis de se faire oublier très très vite. On revient à l'album de la semaine avec « It Won't Be Long » qui ouvre l'album de With the Beatles, sorti en novembre 63. Cette chanson de « It Won't Be Long » fut composée par John comme un successeur possible de « She Loves You », mais ne devint jamais un 45 tours. John expliquant plus tard qu'il lui manquait quelque chose, sans doute. « It Won't Be Long » est une chanson d'amour qui reflète certains événements de la jeunesse de John. Seul et rejeté, il est assis chez lui et attend que la fille qu'il a abandonnée revienne et fasse son bonheur. Comme dans bien de ses compositions ultérieures, il oppose la vie heureuse et sans souci qu'il croit être celle des autres à ses propres angoisses, estimant que le retour de sa bien-aimée résoudra tous ses problèmes. Il y avait l'abandon et plutôt la perte de leur mère en commun entre Paul et John, mais la différence, grosse différence qu'il y avait entre Paul et John, c'est que la famille de Paul était très unie et son père était merveilleux. John se sentait plus délaissé, il vivait avec sa tante qui s'occupait bien de lui, mais sans grande intimité. On écrit dans le bouquin que je suis en train de lire. Il n'y avait rien d'affectif dans leur relation. Donc voici cette chanson dont je parlais, It Won't Be Long Till I Belong To You. It won't be long, yeah, yeah. Lentement pour que Edgar des États-Unis puisse comprendre le français. La semaine prochaine, pour les covers, il y aura Los Ramones. Ramones, quelque chose comme ça. En tout cas, les souris, le groupe de Edgar, ce sera la semaine prochaine. Pour cette semaine, voici Brian Wilson sur l'album The Heart of McCartney. Voici Wanderlust, chanté par Brian Wilson. Lost, head us out to sea. Saga des Fab Four. Three cheers for the girls. Hip hip. Hip hip. Hip hip. Waiting for. programmation de cette 235e saga est volontairement en face A, face B, enfin single en tout cas, et bien sûr en quelques albums. Girl School était la face B de Mull of Kintyre par exemple. Et puis je voulais montrer aussi que Paul McCartney est capable de faire des rock ravageurs comme cette chanson-là. Et puis deux ans plus tard, en 1979, sur l'excellent album Back to the Egg, il est capable de nous sortir celle-ci, plus douce, plus cool. Voici Around Through Me, Paul McCartney, sur RIG. Money for dough, money for roll. lip, condescending mama's little chauvinist. All I want is the truth. Just give me some truth now. I've had enough of watching scenes. Schizophrenic, egocentric, paranoid prima donnas. All I want is the truth now. Just give me some truth. No short head, yellow belly, son of tricky dick is gonna mother of a stop. So me, we're just a pocket full of soul. It's money for dough, money for road. Ah, I'm sick to death of hearing things from uptight, short-sighted, narrow-minded hypocrites. All I want is the truth now. Just give me some truth now. I've had enough of reading things by neurotic, psychotic, pig-headed politicians. All I want is the truth now. Just give me some truth now. All I want is the truth now. Just give me some truth now. Devenu un observateur passionné de la scène politique américaine, Lennon détestait Nixon qui, par son choix d'escalade militaire au Vietnam, était devenu l'ennemi public numéro un pour tous les libéraux et les radicaux. L'exigence exaspérée de Lennon pour un peu de vérité, le « Give me some truth » du titre, préfigure le scandale du Watergate qui ne fit que confirmer ses pires soupçons au sujet du président des États-Unis. L'ossature de « Give me some truth » existait néanmoins dès janvier 69, lorsque cette chanson fut testée par les Beatles durant les séances d'enregistrement de Tweet Canal. Et fournir la plus grande partie de l'album Let It Be. Il est donc fort probable que l'emportement initial de John contre le mensonge et la duplicité ait été inspiré par les disputes internes des Beatles. En tant que tel, ce morceau peut être mis en parallèle avec la complainte désenchantée de Paul, You Never Give Me Your Money, que l'on retrouve sur Abbey Road. Nul ne sait si Nixon a entendu la tirade rageuse de John, mais les dispositions générales du chanteur étaient bien connues de la Maison Blanche, comme on peut le voir dans de nombreux documents officiels. Au cas où il ne l'aurait pas su, ils furent de toute façon prévenu des tendances subversives de Lennon par le patriote américain Elvis Presley, qui les exhorta à réagir contre les prises de position du Beatle. Voilà ce que l'on pouvait dire au sujet de cette chanson-là. On retrouve les Beatles en 1963 et Ringo Starr, I Wanna Be Your Man. Cette chanson a été finie à côté des Rolling Stones et donnée aux Rolling Stones qui cherchaient un premier titre pour un bon 45 tours. Et puis Lennon aura cette formule au sujet de cette chanson-là. Oui, on l'a donnée aux Rolling Stones, mais on leur a pas donné une bonne chanson. Faut pas rigoler quand même. C'est pas exactement ses paroles, mais c'est le sens en tout cas. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. Love you like no other, baby. Like no other can. Love you like no other, baby. Like no other can. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. Tell me that you love me, baby. Let me understand. Tell me that you love me, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. Wow! Fabulous Four Saga, right here on your radio, with Thierry Gallet. Montez le son. Slow Down, par les Beatles, non pas par Johnny Hallyday, sur RIG. Dégage! Vraiment, trois fois les Beatles sur RIG et ça vous a plu, vous avez monté le son à fond. Alors je vous propose de retrouver John Lennon solo en 1980 sur l'album Double Fantasy et cette chanson douce, non pas que lui chantait sa maman, comme disait Henri Salvador, vous ne connaissez pas les Américains, je pense, mais une chanson qu'il a écrite pour son fils Julian. Il avait bien écrit Goodnight en 68 pour son fils Sean, son fils Julian, pardon, et donc il a écrit en 1980 pour Sean. Je remets les bons noms aux beaux endroits pour Sean. Il a écrit Beautiful Boy sur RIG. On the run, and your daddy. busy making other plans. Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful boy. Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful boy. Before you go to sleep, say a little prayer. Getting better and better. José Maria sur Facebook marque quelque chose de très vrai. Julian a vécu l'époque Beatles et Sean a reçu tout l'amour de John. C'est vrai que en 1963, Julian était beaucoup plus préoccupé par sa carrière, alors qu'il a arrêté sa carrière en 75 quand il a su que Yoko était enceinte, pour pouvoir quand il a su qu'elle allait avoir le bébé, surtout parce qu'elle était enceinte plusieurs fois. Eh bien, il a arrêté sa carrière pour s'occuper des 5 premières années, en tout cas, de Sean. Et ça, je dis chapeau. Chapeau, Mr. Lennon, c'est très très bien. Et puis même dans cette chanson, apparemment très très simple, il y a encore des petits traits de génie de John Lennon. Life is what happens to you while you're busy making other plans. C'est la vie, c'est ce qui t'arrive alors que t'es occupé à faire d'autres plans. Bah, c'est très juste, c'est très vrai et c'est très très bien. Voici McCartney, Paul, en 2014. J'ai juste eu le temps d'acheter le 45 tours avant de vous proposer cette émission-là. Hope for the Future, la version principale, parce que j'aime pas trop les versions dérivées, les remixes qu'ils me proposent. C'est trop jeune pour moi. Mais voici la belle version de Hope for the Future. Hope for the future, some wait for the call, to say that the days ahead will be the best of all. We will build bridges up to the sky. Heavenly lights surrounding you and I. From out of the darkness, our future will come. If we leave the past behind, we'll fly beyond the sun. Sharing the load, watching in wonder as our lives unfold. Hope for the future, it's coming soon enough. How much can we achieve? Hope for the future, it will belong to us if we believe. Shines brightest in the dark when nothing's ever seen. Lighting undiscovered places no one's ever been. We'll be right back. say that our destiny will be the best of all. And we will build bridges up to the sky. And heavenly lights surrounding you and I. Oh, shines brightest in the dark when nothing's ever seen. Lighting undiscovered places no one's ever been. Hope for the future, hope for the future, hope for the future. On va essayer de gagner un tout petit peu de temps, mais trois fois rien, parce que il faut aller vite pour finir cette émission. Dans un tout autre ordre d'idées, Money, That's What I Want. Nous sommes en 1963 sur l'album With the Beatles, et c'est toujours valable en 2014. Obligé de supprimer quelques chansons à cause du retard que j'ai eu au début de l'émission, mais je voulais quand même vous proposer ce soir une chanson dont vous ne trouverez pas la pochette, puisqu'il chantait ça en concert seulement au début des années 70, et on sent qu'il y a de la rancœur envers John Lennon, même si c'est pas dit, et comme il avait déjà écrit Dear Friend après pour Wildlife, je pense qu'il a dû se dire une chanson, ça suffit. Mais c'est une belle chanson qu'on aimerait bien voir gravée sur disque, ce serait bien My Best Friend sur RIG. Yeah. RIG 90.7, rocker contre rocker. J'ai l'autorisation d'Eric, il est 21h57 sur RIG en France. Et Eric m'a fait un signe de tête du genre « Allez, une dernière chanson, vas-y mon gars !» Alors ce sera Ringo Starr, parce que Ringo Starr passe souvent à la trappe lorsque on arrive en fin d'émission. Voici Harry's Song sur RIG, juste avant le générique. Ça part vite, mais c'est beaucoup plus cool finalement. On danse. Let's dance. Like the songs of long ago, never fast and not too slow, a melody telling me some things should last forever. In other days and different times, when June and moon would always rhyme, a boy and a girl romancing, dancing together. Music played this way, all I need is my imagination. Take me far away, where I a friend, it's true. He sang songs like this for me and you. Whenever I hear without you, we're still together. Music played this way, all I need is my imagination. Take me far away, where I can be. Can we get back the past? it last. Just keep on growing. On your feet, everybody. Tomorrow is a yesterday. Never goes away. The love that is living inside you will guide you forever. Music, play this way. All I need is my imagination. Take me far away, where I can be with everyone who loves me. Morceau tranquille que nous allons nous dire au revoir. Merci d'avoir écouté cette 235e saga des Fab Four. Je vous donne rendez-vous juste avant Noël, la semaine prochaine, le 17. Après, je pense qu'il n'y aura pas, le 25 décembre, il n'y aura pas la saga des Fab Four. On sera tous occupés partout un petit peu. Je vous remercie, je vous laisse entre les bonnes mains d'Eric pour une émission spéciale qui va être très très très bien. Bisous aux filles, poignement garçons. Thank you America and in England for lovely Rita. See you next time. Bye bye.